À tout et finir comme 47 000 gars se voir de l'ébac mon premier album, la somme de mes efforts, la vie est trop hardcore, les hommes partent, c'est ce que reste, c'est le décor, la chance résiste, moi je double mes efforts, elle change la liste, déjà un tir au sort, enfermé dans la cage de nos devoirs, nos désirs, tout le monde vit rentrer mais personne veut en sortir, le temps nous précipite à faire des choses, à réfléchir, après on se rend compte mais on peut pas revenir, à nos jours on portera une année, une vieille feuille blanche, on recommence à décompter. La vie nous réserve plus de surprises qui font de nous des hommes. Ça représente tout ce que je suis, tout ce que nous sommes dans ce monde imaginaire où plus de fois que la vérité. Y a tellement de gens sous mort pour l'amour de l'humanité. C'est simple, mon proche veut partir, on m'a dit la dernière fois. Toi, Karim, n'essaie pas de faire celui que tu n'es pas. Ne suis pas ceux qui veulent te mener par le bout du nez. Fais pas ce que permettra aux autres de te piétiner. Je sais, je mène ma politique contre l'état-major. Ils veulent ma réponse, mais c'est mon doigt majeur. Je me bats pour mes chers, ceux qui se lassent, ce que je pleure. Je remplis mon rôle de présenter tous mes frères, sœurs. On se la réalité, apportant nos rêves. La vie est folle, fait d'anges, de putes vénères. On se plaint de la vie, mais on se demande quand même pourquoi on y tient, pourquoi on en crève. Eh Narco, c'est quoi ton vœu? Ouais mon pote, tu veux que je te dise mon vœu? Tu veux que je te dise ce qui me fait kiffer? Tu veux que je te dise ce que je veux? Tu veux que je te dise ce que je rêverai? Mon vœu c'est rouler en Porsche ou en BM décapotable. De toute façon mon but c'est d'être riche comme les gens du tac au tac. Rentier à 25 ans, vivre dans mon canapé, à admirer ma villa de 500 mètres carrés avec vue sur la piscine et le garde du corps carré, voir carré une F430 et ses cousines, un garage rien que pour moi, ainsi qu'une limousine. Je n'imagine pas le bonheur dans tout ça, mais ça va de soi. Avec autant d'argent, je pourrais dormir dans de la soie. Oh Narco, tu pètes les plombs, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu me prends pour un con, c'est pas vrai ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, te casse, mon vœu n'est pas tel. Je me suis mis à la place de ceux qui n'ont que l'argent en tête, de ceux qui disent que l'argent est source de bonheur, qui roulent sur l'or en oubliant tous les malheurs de la vie. Mon vœu, c'est la vie. Et je suis drogué à force de la fumée. Voilà pourquoi de nos jours tous mes gars finissent incarcérés ou mes proches tués d'un cancer. Et la vie part en fumée, des gars serrés en bas du quartier, dealer de drogue. Et gars, si tu dis leur, je me trompe. Et si je te dis que la vie me leurre, tu me dis quoi? Tu me prends pour un con. Mon vœu c'est vivre paisiblement, financièrement, mais prioritairement, mentalement, dans le cœur de mes proches, mes potes et la famille. J'espère que de cette vie, je ne repartirai pas fanny. J'ai soif de vie et je me suis assez fait arroser par les pleurs de mes proches. Voilà pourquoi je finirai pas fané ou fumé comme ces fleurs de cannabis. C'est comme son premier frère en abuse. On se la réalité, apportant nos rêves. La vie est folle, fait d'anges, de putes vénères. On se plaint de la vie, mais on se demande quand même pourquoi on y tient, pourquoi on en crève. Mon but c'est crier pour se faire entendre, rapper pour se faire comprendre. Désolé, notre âme n'est plus à vendre, on n'a pas que des disques à vendre. Je garde une pensée pour tous ceux qui ont décidé de se pendre. Je vis ma vie car on ne vit qu'une fois avant de finir en cendres. Alors mon vœu, c'est vivre et partager la vie avec mes potes, ma familia. Bref, ensemble.